brûlera du mal qui nous ronge. Vas-y, danse pour moi, oublie tout mon ange. Pour la dernière fois, avant que l'on plonge, on se souviendra de tout ça, mon ange. Quand la mort viendra briser tous nos mensonges, oublie toute la loi, garde la foi, mon ange. Reste près de moi avant que l'on plonge. La vie se venge, mon ange, mon ange. Le temps nous ment, souvent, souvent. La vie nous change, mon ange, mon ange. Le temps nous prend, sûrement, sûrement. S'en remettra, ne crains rien, mon ange. Quand notre heure viendra, nous donner le change. Déshabille-toi, mets-toi nu, mon ange. Pour la dernière fois, avant que l'on plonge, on se rêvera, loin de l'autre, mon ange. Quand dans d'autres bras, on fera l'échange. Mais ne t'en fais pas, je suis là, mon ange. Serre bien fort mes doigts avant que l'on plonge. La vie se venge, mon ange, mon ange. Le temps nous ment, souvent, souvent. La vie nous change, mon ange, mon ange. Le temps nous prend, sûrement, sûrement. La vie se venge, mon ange, mon ange. Le temps nous ment, souvent, souvent. La vie nous change, mon ange, mon ange. Le temps nous prend, sûrement, sûrement.